Grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Palestrina, prince de la musique. Bonjour et bienvenue dans Grand Compositeur, c'est cet Ave Maria de Palestrina qui vous accueille. C'est l'ensemble Academia, dirigé par Françoise Lasserre, Academia comme académisme, je ne sais pas ce que vous pensez de l'œuvre de Palestrina. Je sais que certains d'entre vous, sur le site internet de l'émission, en passant par francemusique.com, donnent des commentaires et y compris trouvent parfois que Palestrina est un peu académique. Enfin, aujourd'hui, nous allons évoquer l'année 1582. Pourquoi cette année-là précisément? Pour de multiples raisons. Et en plus de ça, cette année, on peut l'appeler l'année des 12 affects. Alors, quelles sont ces raisons, en fait? D'abord parce que Palestrina publie un recueil qui s'appelle justement les 12 affects. Et il s'agit d'un cycle de madrigaux, des madrigaux à 5 voix, mais il n'est pas le seul compositeur à publier dans ces 12 affects. Pas 12, mais la douceur des affects, bien sûr. Il y a Marenzio, il y a De Mack, il y a 7 autres compositeurs. Il faut dire que Palestrina sort d'une période un peu sombre. On est en 1582, mais les années 70, pour lui, c'était des années particulièrement tragiques. Il a perdu un frère, il a perdu 2 de ses enfants, il a perdu sa femme. Alors, période sombre, oui, il se retire un peu du monde, il réfléchit beaucoup. Et puis, la vie reprend le dessus dans la mesure où il se remarie en 1581. Il se remarie d'ailleurs avec la veuve d'un marchand de fourrure de la papauté, riche, très riche. Il n'aura plus jamais de problème d'argent. Et c'est tant mieux, il a 57 ans, Palestrina, à ce moment-là. Et le voilà qu'il se lance à corps perdu dans la création. La musique, sa musique, eh bien pour lui, c'est le reflet de la création divine, rien de moins. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est au service, je dirais, direct de la papauté depuis une trentaine d'années, et au service des plus grandes églises de Rome, on l'évoquait dans les émissions précédentes. En un mot, si vous voulez, Palestrina est au service de la reconquête catholique, de la contre-réforme ambitieuse, triomphante et baroque. Palestrina sur France Musique cet après-midi. Notre grand compositeur de la semaine, Palestrina, le premier livre des madrigaux. Les Virginées, donc ici nous avions affaire à un madrigal qui chante la Vierge, enfin deux madrigaux que vous écoutiez, toujours par l'ensemble Academia, dirigé par Françoise Lasserre. Ici il s'agit de madrigaux qui datent de 1581. Autrement dit, nous sommes dans cette période où vraiment Palestrina est à un tournant de sa vie. Je le disais, il se remarie, et puis surtout sa verve, sa veine musicale va être absolument incroyable. Tout à l'heure, nous écoutions un Ave Maria qui datait de quelques années plus tard, 1584. Alors pourquoi est-ce que je vous entraîne aujourd'hui du côté de cette année 1582 ? Parce que depuis quelques mois, je vous le disais, Palestrina change de vie, mais en même temps, il se passe des choses à Rome. Le moins que l'on puisse dire, en 1581, précisément l'année du mariage, du remariage de Palestrina, voilà qu'arrive à Rome Francesco Guerrero. Ce n'est pas n'importe quel musicien espagnol, il a le même âge que Palestrina. Il y a bien sûr des rencontres, des échanges musicaux. Et quelques mois après, c'est Thomas Luis de Victoria, qui est aussi dans la capitale de la papauté, et qui retrouve cette capitale, Rome, retrouve vraiment, on peut le dire, un lustre incroyable, depuis Saint-Pierre de Rome, sa construction, depuis la Sixtine, la fameuse chapelle Sixtine, et puis depuis quelques années, Michel-Ange a laissé des œuvres absolument incroyables qui font débat, mais qui sont là et qui intéressent le monde entier, finalement. Alors, on vient pour l'art, on vient pour la spiritualité, pour la religion, on vient aussi pour la musique. Et il se trouve, par exemple, que Victoria, quant à lui, a composé un livre de messe qu'il dédie à Philippe II d'Espagne. Vous savez, l'empereur Philippe II. Et deux messes sont assez intéressantes parce que, dans l'une, il reprend un motet de Palestrina, et dans l'autre, il reprend un motet de Francisco Guerrero. Autrement dit, nous sommes là au cœur de la création musicale. Voilà comment trois compositeurs différents, venus d'origine et d'horizons différents, finalement se retrouvent, et puis je dirais qu'il y a une admiration réciproque, il y a eu des rencontres. Eh bien ici, je vous propose Francisco Guerrero, et précisément Surge propera amica mea, qui a inspiré Victoria. Guerrero, interprété par Stile Antico. Deux œuvres signées Francesco Guerrero, Surge pro opera amica mea et Ego flos campi, interprétées par Stile Antico, en reflet cet après-midi sur France Musique consacrée à Palestrina, notre grand compositeur, en reflet de ces justement rencontres hein, romaines entre Guerrero et Palestrina et Thomas Luis de Victoria. En reflet et en contraste, maintenant, je vous propose, puisque nous étions, je dirais, pratiquement depuis le début de la semaine, du côté de la contre-réforme triomphante, effectivement, du Concile de Trente qui s'achève, et de toutes les réformes qui ont suivi du côté catholique, avec la musique comme vecteur essentiel de cette reconquête spirituelle, eh bien, en contraste, je vous propose d'aller du côté de la réforme, et d'une réforme calviniste, avec des chansons spirituelles, enfin, spirituelles au sens de l'esprit, bien évidemment, chansons spirituelles que l'on doit à Pascal de l'Estocard, justement, précisément pendant ces années tournantes que nous évoquons aujourd'hui, et notamment l'année 1582, il publie un certain nombre d'œuvres, Pascal de l'Estocard. Il les publie à Genève, lieu du calvinisme, à Lyon aussi. Il publie ses sacrées canciones, ses chansons sacrées, si vous voulez. Et puis, il compose l'ode en 12 parties, que je vous propose maintenant, par l'ensemble Ludus Modalis, dirigé par Bruno Boterf. Tenez, d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'ensemble Academia, il y avait Bruno Boterf comme membre et chanteur. Ici, il dirige ses amis de Ludus Modalis. Yeah. Thank you. Thank you. Comment prendre de la hauteur un jour de l'ascension? Eh bien, pourquoi pas avec cette musique, Pascal de Lestocart, Ode en 12 parties, interprétée par Ludus Modalis, dirigée par Bruno Boterf, exhortation aux chrétiens à chercher tout bien en Jésus-Christ et à adhérer à sa sainte parole. Voilà ce que vous venez d'entendre, tout cela était en français, et tout cela date de 1582, l'année des 12 affects. En fait, c'est une année particulière, parce que c'est quand même l'année la plus courte de notre histoire, figurez-vous. Oui, le pape Grégoire XIII a supprimé 10 jours du calendrier de notre calendrier maintenant, hein, qui fait désormais débuter l'année le 1er janvier, non plus à Pâques. Et le vendredi 15 octobre 1582 est devenu, a suivi, je devrais dire, le jeudi 4 octobre. Voilà, l'année la plus courte. Et c'est cette année que Palestrina, notre grand compositeur, compose son Cantique des Cantiques. Vous connaissez le texte particulièrement sensuel, hein, chargé d'érotisme même. On peut se souvenir que Palestrina chantait au pape Jules III, celui qui l'avait fait venir à Rome, des chansons plutôt lestes, voire même plus que lestes. Ou bien les madrigaux à la Vierge, entendus tout à l'heure, sont sur des textes de Pétrarque, le licencieux Pétrarque. Et puis ces partitions étaient dédiées au fils du pape Grégoire XIII. Oui, le pape avait un fils, c'est pas de nos jours qu'on verrait de telles choses. Enfin, voici le Cantique des Cantiques de Palestrina par la Cappella Ducale et Venezia de Livio Picotti pour vous sur France Musique, une grande heure de bonheur. Thank you. Thank you. Oh. Le Cantique des Cantiques sur France Musique, il est signé Giovanni Pierluigi da Palestrina, c'est notre grand compositeur de la semaine. Vous écoutiez La Cappella Ducale Venezia, dirigée par Livio Piccotti, une œuvre enregistrée donc il y a quelques années, que vous pouvez trouver sur un disque CPO, puisque vous demandez par internet les références. Et puis une œuvre qui date de 1582, la fameuse année plus courte que les autres, puisque l'on est passé du jeudi 4 octobre 1582 au 15 octobre. Allez, vite, vite. Le temps passe, merci en tout cas à Cécile Gissot, Nicolas Lafitte, Anne Voisin et Céline Parfenoff aujourd'hui.